Pedro Páramo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov. D'après la traduction de Gabriel Yacouli. J'ai entendu quelqu'un parler. Une voix de femme. J'ai cru que c'était toi. Ce doit être celle qui parle seule. Celle du grand tombeau. Doña Susanita. Qui est-ce? La dernière femme de Pedro Páramo. Il l'a tellement aimée qu'il a passé le reste de ses jours avachi dans un fauteuil, à regarder le chemin par lequel on l'avait mené au cimetière. Sais-tu, Fulgor, que c'est la plus belle femme que la Terre ait jamais portée? J'en étais arrivé à croire que je l'avais perdue à jamais. Alors maintenant, je ne veux pas la perdre à nouveau. Dis à son père de retourner exploiter ses mines. Et là-bas, j'imagine qu'il ne sera pas difficile de faire disparaître le vieux en ces coins où personne ne met jamais les pieds. Tu ne crois pas? 8e épisode. Rustina Diaz est entrée dans la chambre de Susana San Juan. Les rideaux fermés empêchaient la lumière de passer, si bien que dans le demi-jour, elle ne distinguait que des ombres. Elle a supposé que Susana San Juan sommeillait. Elle désirait toujours la trouver endormie et s'est réjouie qu'il en allât ainsi. Alors, elle a entendu à quelque distance un murmure qui semblait venir d'un coin de la pièce obscure. Rustina. Va-t'en, Rustina. Prends tes affaires et va-t'en. On n'a pas besoin de toi ici. Mais elle a besoin de moi, elle. Elle est malade. Et elle a besoin de moi. Plus maintenant, Rustina. Je resterai ici pour veiller sur elle. C'est vous, Don Bartolomé ? Que t'arrive-t-il, Rustina ? Pourquoi cries-tu ? Je n'ai pas crié, Susana. Tu as dû rêver ? Je t'ai déjà dit que je ne rêve jamais. Tu n'as aucun égard pour moi. Je n'ai pas fermé l'œil. Hier soir, tu n'as pas fait sortir le chat, et il m'a empêché de dormir. Il a dormi avec moi, entre mes jambes. Il était tout trempé, il m'a fait pitié. Je lui ai permis de rester dans mon lit, mais il n'a pas fait de bruit. Non, il n'a pas fait de bruit. Il a passé son temps à bondir de mes pieds à ma tête et à miauler tout doucement comme s'il avait faim. Je l'ai bien nourri, et il ne s'est pas décollé de mes jambes de toute la nuit. Tu as encore fait des rêves trompeurs, Susana. Je te dis que j'ai passé la nuit à sursauter à chacun de ses bonds. Il a beau être très câlin, ton chat, je n'en veux pas quand je dors. Tu as des visions, Susana. Voilà ce qui se passe. Quand Pedro Páramo viendra, je lui dirai que je ne peux plus te supporter. Je lui dirai que je m'en vais. Il ne manquera pas de braves gens pour me donner du travail. Tous ne sont pas maniaques comme toi et ne passent pas leur temps, comme toi, à persécuter une pauvre femme. Je partirai demain et j'emporterai le chat, comme ça, tu seras tranquille. Tu ne partiras pas d'ici, Rustina. Tu es maudite et condamnée. Tu n'iras nulle part parce que nulle part tu ne trouveras quelqu'un qui t'aime autant que moi. Non, je ne m'en irai pas. Je ne te laisserai pas, Susana. Je sais très bien que je suis là pour m'occuper de toi. Peu importe que tu me fasses damner, je veillerai toujours sur toi. Elle prenait soin d'elle depuis sa naissance. Elle l'avait tenue dans ses bras, lui avait appris à marcher, à faire ses premiers pas qui lui paraissaient, à elle, inoubliables. Elle avait vu grandir sa bouche et ses yeux de bonbons à la menthe. Bonbons bleus, jaune et bleu, vert et bleu, mélange de menthe verte et de menthe poivrée. Elle lui mordillait les jambes. Elle la distrayait en lui donnant à téter ses seins qui n'avaient rien, étaient comme des joujoux. Amuse-toi, lui disait-elle, joue avec ton petit jouet. Elle l'aurait pétri en boulettes et avalé. Il était minuit et dehors, le bruit de l'eau étouffait tous les sons. Susana San Juan s'est levée doucement. Doucement, elle s'est redressée et éloignée du lit. Le poids était de nouveau là, sur ses pieds, se déplaçait à fleur de chair, essayait de trouver son visage. C'est toi, Bartholomew. Il lui a semblé entendre la porte grincer comme quand quelqu'un entre ou sort. Elle s'est rendormie et ne s'est plus réveillée qu'au moment où la lumière a éclairé les briques rouges aspergées de rosée dans le matin gris d'un jour nouveau. Roustina. Que veux-tu, Susanna? Le chat. Il est encore venu. Ma pauvre petite Susanna. Pourquoi pleures-tu? Je dirai à Pedro Paramo que tu es très bonne pour moi. Je ne lui parlerai pas des frayeurs que me fait ton chat. Ne te mets pas dans cet état, Roustina. Ton père est mort, Susanna. Il est mort avant-hier dans la nuit. Et on est venu nous l'annoncer aujourd'hui. Il n'y a plus rien à faire. Il est déjà enterré. Et on n'a pas pu le ramener ici parce que le chemin est trop long. Te voilà seule au monde, Susanna. Alors c'était lui. Tu es venue me dire adieu. De nombreuses années auparavant, quand elle était une enfant, il lui avait dit... Descends, Susanna, et dis-moi ce que tu vois. Je vois rien, papa. Cherche bien, Susanna. Essaie de trouver quelque chose. Je vois rien, papa. Je vais te descendre un peu plus bas. Préviens-moi quand tu toucheras le fond. Elle était entrée par un petit trou entre les planches. Elle avait marché sur de vieux madriers moisis, fendus, pleins de terre collante. Encore un peu plus bas, Susanna. Et tu trouveras ce que je te dis. Elle était descendue en basculant, en se balançant dans le vide, ses pieds tâtonnant sans trouver où se poser. Plus bas, Susanna. Plus bas. Dis-moi si tu vois quelque chose. Donne-moi ce qu'il y a là, Susanna. C'est une tête de mort. Il doit y avoir quelque chose à côté. Donne-moi tout ce que tu trouves. Le cadavre était tombé en morceaux. La mâchoire s'était détachée comme si elle était en sucre. Elle lui avait tendu un os après l'autre. Le crâne en premier. Cette boule qui se défaisait entre ses mains. Quand elle était arrivée aux orteils, elle lui avait remis phalange après phalange. Cherche encore, Susanna. De l'argent, des pièces d'or. Cherche-les, Susanna. Alors, elle avait perdu connaissance et n'était revenue à elle que de nombreux jours plus tard, dans le grand froid des regards glaciaux de son père. J'ai compris que c'était toi, Bartholomé. Voilà pourquoi elle riait à présent. Pendant tous ces jours-là, les vents n'avaient cessé de souffler. Ils avaient amené la pluie. La pluie était partie, le vent était resté. Susanna San Juan a entendu le vent cogner à la fenêtre fermée. Puis tout s'est brusquement arrêté. C'est toi, père. Je suis ton père, ma fille. Ton cœur meurt de chagrin. Tu es venu me dire que Florencio est mort. Je le sais. Je le savais déjà. Ne t'afflige pas pour les autres. Ne t'inquiète pas pour moi. Je garde ma douleur en lieu sûr. Ne laisse pas ton cœur s'éteindre. Le père Renteria l'a laissé s'approcher de lui. Laisse mon chagrin soulager le tien. Il l'a regardé entourer de ses mains la bougie allumée, puis tendre le visage vers la mèche enflammée. Mais une odeur de chair brûlée l'a forcé à retirer brusquement la flamme et à la souffler. Je suis venu t'apporter le réconfort, ma fille. Alors adieu, père. Ne reviens plus. Je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi viens-tu me voir ? Un homme surnommé Le Bègue est arrivé à la Media Luna et a demandé à voir Pedro Paramo. Que puis-je pour toi? Il faut que je parle au patron. C'est moi. Que me veux-tu? Juste pour dire qu'on a tué Don Fulgor Sedano. Je l'accompagnais. On est allé du côté des déversoirs pour voir pourquoi le niveau de l'eau baissait. On était en chemin quand on a vu une bande d'hommes qui avançait vers nous. Une voix qui sortait de cette foule a dit « Celui-là, je le connais. C'est le régisseur de la Media Luna. Ils n'ont pas fait attention à moi, mais ils ont ordonné à Don Fulgor de lâcher sa bête. Ils lui ont dit qu'ils étaient des révolutionnaires, qu'ils venaient pour vos terres. Cours vite, qu'ils lui ont dit à Don Fulgor. File et va annoncer à ton patron qu'on se retrouvera là-bas. Alors il a lâché la bride, épouvanté, et il est parti en courant. Pas très vite à cause de son poids. Ils l'ont tué pendant qu'il courait. Il est mort, une patte en l'air et l'autre par terre. Et moi je n'ai pas bougé, j'ai attendu la nuit. Et me voici pour vous annoncer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu attends? Remets-toi un peu. Va leur dire à ceux-là que je suis à leur disposition. Ils n'ont qu'à venir discuter avec moi. Mais avant, va faire un tour à la Consagration. Tu connais le Boa? Il devrait être là. Dis-lui qu'il faut que je le voie. Et dis bien à ces Vauriens que je les attends dès qu'ils auront un moment. Qu'est-ce que c'est encore que ces révolutionnaires? Je ne sais pas, ils s'appellent comme ça. Dis au Boa que j'ai besoin de lui au plus vite. Ce sera fait, patron. Pedro Páramo est retourné s'enfermer dans son cabinet de travail. Il se sentait vieux et accablé. Ce n'était pas tant Fulgor qui le préoccupait. Celui-ci, tout compte fait, avait déjà un pied dans la tombe. Il avait donné tout ce qu'il pouvait donner, et même s'il était très serviable, ce n'était pas une grande perte. D'une manière ou d'une autre, la nichée du Boa va me débarrasser de ces timbrés. Il pensait surtout à Susana San Juan, toujours confinée dans sa chambre, à dormir, ou quand elle ne dormait pas, à faire comme si. Depuis qu'il l'avait amenée à vivre ici, parmi toutes les nuits passées auprès d'elle, il n'en voyait pas une qui ne fût désolante d'inquiétude, interminable. Il se demandait quand cet état de choses prendrait fin, ce qu'il comptait bien voir venir un jour. Rien ne peut durer indéfiniment. Il n'est aucun souvenir, si vif soit-il, qui ne s'éteigne. S'il avait au moins pu savoir ce qui la tourmentait ainsi de l'intérieur, la faisait se tourner, se retourner sans pouvoir trouver le sommeil, comme si on la torturait jusqu'à l'épuisement. Il croyait la connaître, et s'il en allait autrement, n'était-il pas suffisant de savoir quelle était la créature qu'il aimait plus que tout au monde? Et ce qui comptait encore davantage à ses yeux, qu'elle allait lui permettre de quitter la vie éblouie par son image, qui effacerait tous les autres souvenirs. Mais quel était le monde de Susana San Juan? Voilà l'une des choses que Pedro Páramo n'a jamais pu savoir. Je me sentais bien sur le sable chaud. J'avais les yeux fermés, les bras ouverts, les jambes étendues dans la brise de mer. Et la mer, là, devant moi, lointaine, laissait à peine quelques traces. Maintenant, oui, c'est elle qui parle. Pied, à Mario. Juan Preciado, n'oublie pas de me répéter ce qu'elle dit. Il était tôt. La mer s'élançait et retombait en vagues. Elle se défaisait de son écume et s'en allait, propre, avec son eau verte, en ondes muettes. Je ne me baigne dans la mer que nue, lui ai-je dit. Et il m'a suivi le premier jour, nu lui aussi et phosphorescent en sortant de l'eau. Il n'y avait pas de mouettes, seulement ces oiseaux que l'on appelle les gros becs, qui grognent comme s'ils ronflaient et disparaissent après le lever du soleil. Il m'a suivi le premier jour et il s'est senti seul, alors que j'étais là. C'est comme si tu étais un gros bec, un parmi tant d'autres, m'a-t-il dit. Tu me plais bien davantage la nuit, quand nous sommes sur le même oreiller, sous le drap, dans l'obscurité. Et il est parti. Moi, j'y suis retournée. Il fallait toujours que j'y retourne. L'océan mouille mes chevilles et s'en va. Il mouille mes genoux, mes cuisses. Il enlace ma taille de son bras doux, fait le tour de mes seins, se noue à mon cou, étreint mes épaules. Alors je m'y plonge tout entière. Je me livre à lui, à son battement puissant, à sa tendre possession, sans la moindre réserve. Je lui ai dit: j'aime me baigner dans l'océan. Mais il n'a pas compris. Et le lendemain, j'étais de nouveau dans l'océan pour m'y purifier, m'abandonner à ces vagues. Messieurs, dites-moi en quoi je puis vous être utile. C'est vous le maître de tout ça ? Ici, c'est moi qui parle. Bon, que puis-je faire pour vous ? Comme vous le voyez, on a pris les armes. Et alors ? Et alors, c'est tout. Ça ne vous paraît pas assez ? Mais pourquoi l'avez-vous fait ? Parce que d'autres l'ont fait aussi, tiens. Vous ne le savez pas ? On va attendre un peu que les instructions arrivent. Et alors on verra bien pourquoi. Pour le moment, on est ici. Moi, je sais pourquoi. Et si vous voulez, je peux vous expliquer. On s'est rebellé contre le gouvernement et contre vous parce qu'on en a marre de vous supporter. Le gouvernement parce que c'est une ordure. Et vous parce que vous êtes un tas de bandits, de gros voleurs sournois. Je ne parle même pas de monsieur le gouverneur, à qui nous dirons ce que nous avons à dire à coup de fusil. Et combien vous faut-il pour la faire, votre révolution ? Je pourrais peut-être vous aider. Il parle bien, ce monsieur Perseverancio. Tu n'aurais pas dû être si fort en bouche. Il faut se mettre un riche dans la poche si on veut se faire épauler. Et quoi de mieux que ce monsieur ici présent ? Allez, Casildo, dis voir, toi, combien il nous faut. Il n'a qu'à nous donner ce que ses bonnes intentions vont lui souffler. Et moi, je vous dis que celui-là ne donnerait pas une goutte d'eau à un Jésus sur la croix. Mais profitons de ce que nous sommes ici pour tout lui prendre du premier coup. Mais même le maïs entassé dans sa sale bedaine. Doucement, Perseverancio. Les choses s'arrangent mieux à l'amiable. On va se mettre d'accord. Vas-y, Casildo, parle. Eh ben, comme ça, venez, je dirais que 20 000 pesos, ce serait pas mal pour commencer. Qu'en dites-vous ? Encore que je me demande si ça ne lui paraît pas trop peu au monsieur, avec toute cette bonne volonté qu'il a de nous aider. Alors disons, 50 000, ça vous va ? Je vais vous donner 100 000 pesos. Combien êtes-vous ? 300. Bon, je vais vous prêter encore 300 hommes pour augmenter votre troupe. Dans une semaine, vous aurez les hommes et l'argent à votre disposition. L'argent, je vous en fais cadeau, les hommes, je vous les prête. Quand vous n'en aurez plus besoin, vous me les renverrez. Ça va comme ça ? Faudra être difficile. Alors, à la semaine prochaine, messieurs. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance. C'est ça. Rappelez-vous bien que si vous ne tenez pas parole, vous entendrez parler de Perseverancio. C'est comme ça que je m'appelle. À ton avis, qui les commande ? Moi, il me semble que c'est le gros qui se trouvait au milieu et qui a pas levé les yeux. Je parie que c'est lui. Et je me trompe pas souvent, Don Pedro. Non, Damasio. Celui qui les commande, c'est toi. À moins que tu ne veuilles pas participer à la révolte. Oh, que si. J'aime me battre, moi. Tu as vu à qui tu avais affaire et tu n'as pas besoin de mes conseils. Rassemble 300 gars de confiance et va rejoindre les insurgés. Dis-leur que tu leur amènes les hommes que je leur ai promis. Pour le reste, tu sauras comment t'y prendre. Et pour l'argent, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur donne aussi ? Je vais te donner 10 pesos pour chacun, ce qui suffira à leurs dépenses les plus urgentes. Dis-leur que le reste est en sûreté ici et à leur disposition. Il n'est pas bon d'avoir tant d'argent avec soi dans ce genre de combine. Pendant qu'on y est... Elle te plairait, la petite ferme de la Puerta de Piedra ? Ouais ? Eh bien, elle est à toi dès maintenant. Tu vas apporter un papier à Gerardo Trujillo, l'avocat de Comala, et il mettra la propriété à ton nom. Qu'en dis-tu, Damasio? Quelle question, patron! Encore qu'avec ou sans ça, je le ferai seulement pour le plaisir. On dirait que vous ne me connaissez pas. De toute façon, je vous remercie. La mère aura de quoi se distraire pendant que je m'en donnerai à cœur joie. Pour revenir à notre affaire, essaie de ne pas trop t'éloigner de mes terres. Comme ça, si d'autres arrivent, ils trouveront la place prise. Et viens me voir dès que tu peux ou s'il y a du neuf. D'accord. À la prochaine, patron. Que dit-elle? Juan Preciado, que dit-elle? Elle dit qu'elle nichait ses pieds entre les jambes de cet homme. Que ses pieds, aussi froids que la pierre, se réchauffaient là, comme dans un four où dort le pain, qui lui mordait les pieds en lui disant que c'était de petits pains dorés au four. Elle dit qu'elle dormait pelotonnée, levée en lui, et se perdait dans le vide en sentant sa chair céder, se creuser comme un sillon ouvert par un fer ardent, puis tiède, puis doux, qui donnait de rudes coups dans sa chair tendre, s'enfonçait et s'enfonçait encore jusqu'au gémissement. Mais que sa mort lui avait fait encore plus mal. Voilà ce qu'elle dit. Oh là là, et de qui parle-t-elle? Sûrement de quelqu'un qui est mort avant elle. De qui peut-il bien s'agir? Je ne sais pas. La nuit où tu as tardé à venir. Elle dit que la nuit où il a tardé à venir, aux premières heures du jour, il lui a semblé qu'il était rentré très tard. J'ai eu l'impression vague que mes pieds, jusqu'alors restés solitaires et froids, se nichaient dans quelque chose. Que quelqu'un les enveloppait dans quelque chose qui les réchauffait. À mon réveil, je me suis aperçue qu'ils étaient entortillés dans le journal que j'avais lu en t'attendant et laissés tomber par terre quand le sommeil m'avait vaincue. Et mes pieds étaient encore enveloppés dans le journal au moment où l'on était venu m'annoncer que tu étais mort. Le cercueil dans lequel on l'a enterré doit être cassé. On entend comme un grincement de planche. Oui. Je l'entends, moi aussi. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Goroff, d'après la traduction de Gabriel Yacouli. Huitième épisode. Avec Jacques Bonafé, le narrateur, Philippe Bautier, le bègue, Francine Berger, Christine, Jean-Yves Châtelet, Bartolomé San Juan, Jean-Pierre Calfon, Don Fulgor, Denis Lavant, Pedro Páramo, Philippe Lofredo, le Boa, Johanna Nizar, Susana San Juan, Liliane Rover, Dorothea, Fanny Touron, Susana Enfant, Alexandre Aubry, Simon Caillot et Mathias Marti, les révolutionnaires. Et les voix de Paola Cordova, Sofia Lopez, Odile Lauria, Giovanni Ortega, Emiliano Suarez, Manuel Ulloa. Bruitage, Sophie Bissant. Musique originale, Léon Milo. Violon, Sébastien Surel. Guitare, Ardent Dumont. Viol de gambe, Philippe Foulon. Percussion, Florent Jodelet. Flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egoroff. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.